Un martien part en voyage. Sa femme lui demande « Tu ne prends pas ta soucoupe aujourd'hui ?» Son mari lui répond « Non, je ne suis pas dans mon assiette ce matin !»